Dans le journal, nous serons en direct de Gosselies avec apparemment pas mal de stress sur place ce matin. Oui, un conseil d'entreprise extraordinaire débute à 8h30 sur place chez Caterpillar. On parle d'éventuelles pertes d'emplois, voire peut-être d'une fermeture de l'usine, mais ce ne sont pour l'instant que des suppositions. Les réponses ne tomberont donc que d'ici quelques heures. On rappelle aussi la vidéo insolite qu'on a postée sur la page Facebook Bruxelles-Vivacité RTBF. L'histoire de Laurent, un Bruxellois qui est coincé sur la place Saint-Géry. Il n'arrive pas à en sortir, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, à la commenter, on vous attend. Vous avez été pris dans le grand rush de la rentrée ? Qu'importe, retrouvez vos contenus radio et télé sur votre plateforme digitale Ovio, où, quand et comme vous le voulez, sur tablette, smartphone ou ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. Libérez vos envies. On n'a plus le droit. Yep. Et salut tout le monde, nous sommes vendredi et c'est donc le démarrage du 8-9. Vous avez passé une bonne semaine, Jean-Luc Fonck? Une semaine excellente. Ça a été à l'école hier matin, madame Gentil? Ça a été à l'école hier matin. J'ai un peu pleuré au début et puis bon, c'est les autres qui ont pleuré après. Vous prenez toujours un slip avec Pascal Michel ou plus du tout? J'en ai toujours un de rechange avec ma tutute. Et vous avez bien raison, Christophe Grandjean fait ça au bureau aussi. C'est vrai, c'est pratique. Mais j'ai pas de slip, moi. Ben c'est ça, cette légende alors. Montrez un peu. Enfin, Sarah, ça a été la rentrée hier? J'ai 3 boîtes à tartines, moi. Waouh, génial. Ouais. Vous mettez quoi dedans? Plein de trucs. Cannabis. Salé. Oui, c'est ça. Et du cannabis, oui, bien sûr. Oh, le petit Jérôme est là aussi. Personne ne revient sur le fait que vous m'aviez demandé hier le pronostic du match et que j'avais dit 2-0 pour l'Espagne. Vous aviez dit ça? Non, c'est pas moi qui vous ai demandé. Ah non, c'est pas moi. Ah, je vous assure. Ah, mais revoyons les images, monsieur Marie. Ah, bah écoutez, replay. Replay dans ce cas, replay. Attends, météo avant le replay. Ah oui, oui. Non, météo avant le replay. Bon, ah, Denis est déjà là. Ok, le oui, je le son rire sarcastique. Il rit sous cap. Est-ce qu'il est tout le monde, Benjamin? Bon, alors je vous fais le jingle moi-même. Tu. Et alors, Denis? Eh ben, écoutez, aujourd'hui ça va pas trop mal. On va avoir quelques nuages d'altitude sans conséquence, plutôt sur l'ouest du pays. Ailleurs, le soleil sera encore bien généreux, bougre, avec des températures aujourd'hui de 19 degrés au littoral, 22 à 25 degrés en allant du centre vers l'extrême sud du pays. Le week-end, en quelques mots, eh bien, ce sera sec samedi. Retour de la pluie, par contre, dimanche avec du vent, 22 à 26 degrés samedi et de 17 à 21 degrés seulement pour dimanche. Bon, il est 8h, alors sans la musique. Christophe? Si, voilà la musique. La voilà. Ah oui, c'est ici. Il est 8h, sérieusement, la une de l'actualité ce matin, c'est l'inquiétude chez Caterpillar à Gosselies. Un conseil d'entreprise extraordinaire ce matin pourrait déboucher sur de très mauvaises nouvelles pour l'emploi. Les syndicats sont inquiets. Nous allons chez Caterpillar à Gosselies dans un instant. La semaine de 4 jours proposée pour certains fonctionnaires wallons, une mauvaise idée pour le Premier ministre Charles Michel que nous entendrons. Charleroi célèbre son anniversaire, la ville a 350 ans, ce sera la grosse fête ce week-end pour marquer le coup. Il y a un an, la photo du petit Alan bouleversait le monde, le corps sans vie de ce petit garçon syrien étendu sur le sable. Un an plus tard, malheureusement, le sort des réfugiés est toujours aussi dramatique. Les débuts ratés des Diables Rouges sous la direction de Roberto Martinez, défaite 0-2 hier soir en match amical face à l'Espagne. Et puis, la beauté aussi fait souffrir, illustration dans le nouveau roman d'Amélie Nothomb, Riquet à la houppe. Dans une demi-heure, donc, Christophe, le conseil d'entreprise de tous les dangers chez Caterpillar à Gosselies. Un conseil d'entreprise extraordinaire est convoqué à 8h30. Une réunion imprévue comme ça ne sent jamais bon. Des suppressions d'emplois sont redoutées. Mathieu Van Winkel, vous êtes devant l'usine Caterpillar de Gosselies. Quelle est l'ambiance ce matin? Eh bien, ambiance très calme pour le moment. Le conseil d'entreprise commence dans une demi-heure. La journée commence tout doucement. Le soleil se lève, mais l'usine tourne comme d'habitude. Alors le problème, évidemment, c'est qu'on ne sait pas ce qui va être annoncé ce matin. Les travailleurs, eux, sont encore traumatisés par la dernière restructuration. Ils étaient plus de 4000 il y a 3 ans. Et depuis, 1400 emplois sont passés à la trappe. Ils ne veulent pas revivre tout ça, évidemment. Donc il y a de l'inquiétude qui pourrait peut-être se transformer en colère si les nouvelles sont trop mauvaises. On verra ça dans le courant de la matinée. L'entreprise extraordinaire est tombée hier après-midi. Immédiatement, elle a suscité de vives inquiétudes. Écoutez, Antonio Cocciolo, c'est le président de la FGTB Metal et Nonamur. S'il y a moyen de l'entendre, Sinon, on va continuer avec vous. Mathieu, quels sont les risques exactement pour Caterpillar? On a visiblement Christophe un souci de connexion. On a perdu la liaison avec Gosli. On va passer au sujet suivant. L'ambiance, du coup, on l'a bien entendu, hein, est à l'inquiétude ce matin, Charleroi. Charleroi qui a pourtant prévu de faire la fête ce week-end pour célébrer son 350e anniversaire. De nombreux événements sont prévus dès ce soir. On va y venir, mais avant cela, revenons sur l'histoire de la ville. Sarah Deveau, vous êtes à Charleroi. Pas facile, évidemment, de résumer 350 ans en une minute. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que Charleroi, d'abord, c'est une histoire avant tout, tout en contraste. Et oui, Christophe, parce que si on regarde un petit peu dans le rétro, Charleroi a connu une période dorée. On est alors fin du 19e. À l'époque, la ville a de gros atouts, un sol riche, des réseaux de transport importants avec la Stampe, par exemple. Et tout ça va permettre à Charleroi de devenir une sorte de place to be industriel mondial avec les charbonnages, la sidérurgie, le verre, par exemple. Mais la crise des années 30, les guerres et puis surtout les deux chocs pétroliers vont faire péricliter Charleroi. Fermeture d'usines en cascade, montée du chômage, de mauvais souvenirs qui s'effacent tout doucement. Aujourd'hui, la ville ici à Charleroi renaît. Petit à petit, il y a eu l'aéroport, l'aéropôle et de nouveaux projets d'embellissement de la ville. Moments qui vont rythmer les trois jours. Alors, impossible de tout vous détailler ici, Christophe, vous vous en doutez, mais il y en aura pour tous les goûts, ça c'est sûr. Des reconstitutions historiques, des visites insolites, du folklore, un grand cortège samedi, et puis des concerts, évidemment, avec entre autres de Magician, DJ bien connu de la région. Il y aura aussi Henri PFR ce soir. Demain, grande soirée, Kefies, avec une artiste que vous connaissez tous, j'en suis sûre, Christophe, Chantal Goya. Suarez aussi sera là, qui est de Brabant, demain soir à Charleroi, avec un grand feu d'artifice. Ah ben voilà, on entend Chantal Goya. Contre toute attente, là voilà. On va pas chanter peut-être ici, mais elle sera là demain à Charleroi, comme Suarez, je vous le disais, ce sera Kate Brabant à Charleroi avant un grand feu d'artifice. Et puis Christophe, je ne résiste pas à l'idée de vous faire partager cet hymne si cher au Carolo. Écoutez. Ah. Vous connaissez hein, sans doute Pays de Charleroi que les Carolos vont reprendre tous ensemble dimanche avec Lolotte aussi. Bref, il risque d'avoir l'ambiance ici à Charleroi. Eh ben, l'hymne de Charleroi, Chantal Goya, on va être gâtés. Merci Sarah Deveau. La rentrée scolaire se poursuit. De nouveaux élèves du secondaire s'emparent de leur sac à dos pour retourner aux cours ce matin. Nouveauté cette année, les cours de base seront renforcés dans l'enseignement technique et professionnel, les maths, le français et les langues étrangères. L'idée est que les jeunes disposent d'un meilleur bagage quand ils se lancent dans la vie professionnelle. La rentrée hier soir de Charles Michel a jeudi en prime sur la une. Le Premier ministre a plaidé pour la mise en œuvre d'un pacte national pour des investissements stratégiques, des chantiers de grande envergure dans les secteurs comme la mobilité, l'énergie ou la sécurité. Des projets qui pourraient s'étaler sur plusieurs législatures. Ils seraient financés en supprimant des dépenses inutiles et éventuellement avec l'aide de partenaires privés, a expliqué Charles Michel. Charles Michel qui est aussi revenu sur le projet de permettre à certains fonctionnaires wallons de travailler 4 jours par semaine au lieu de 5 avec le même salaire. Nous vous parlions hier matin de cette idée du gouvernement de la Wallonie pour les personnes de plus de 60 ans qui exercent des métiers pénibles. Une idée qui n'est pas partagée par le Premier ministre. Charles Michel était l'invité donc de jeudi en prime hier soir. Mais moi, je ne crois pas à cette proposition. Ça donne un peu le sentiment qu'on rase gratis. Il y a toujours quelqu'un qui paye la facture au final, et donc de deux choses l'une. Ou bien c'est les entreprises qui vont payer le coût d'une mesure telle que celle-là. J'ai le sentiment que si les entreprises doivent payer ce coût-là, elles vont souffrir et qu'elles vont plutôt pas embaucher et plutôt licencier davantage. Ou bien c'est l'État qui va payer la facture. Et si c'est l'État qui paye la facture, au final, ce sont les contribuables, ceux qui payent des impôts et qui payent la facture. La France a tenté il y a quelques années de réduire le temps de travail, et on voit à quel point aujourd'hui c'est un échec et à quel point aujourd'hui, même à gauche en France, on revient en arrière sur ce dispositif. Moi, je crois qu'il faut dire la vérité. Je comprends bien que le PTB dans l'espace politique prend beaucoup d'espace. De là à courir systématiquement derrière le PTB, semaine des 4 jours, pourquoi pas 3 ou 2 jours, il faut être un peu sérieux. Charles Michel interrogé par Johan Monté et François de Brigode hier soir dans Jeudi en prime. On a appris hier soir la libération de Bilen Ceren. C'est cette Belge de 24 ans d'origine turque, militante de gauche, qui avait été arrêtée en Turquie alors qu'elle était en vacances. Les autorités soupçonnaient Bilen Ceren de faire partie d'une association communiste considérée par la Turquie comme une organisation terroriste. On ignore ce qui a motivé la libération. Les quatre amis qui accompagnaient la jeune femme ont aussi été libérés. Et puis il y a un an, Christophe, une photo bouleversait le monde. Celle d'un petit garçon, t-shirt rouge, allongé sur le sable au bord de la mer. C'est le corps d'Alan, 3 ans, un petit Syrien gisant noyé sur une plage turque. Alan avait tenté de traverser la Méditerranée avec ses parents. Un an plus tard, des milliers de réfugiés tentent toujours de rejoindre l'Europe, meurent parfois, comme le petit Alan, dans l'indifférence totale. C'est ce que dénonce Philippe Hensmans, le directeur d'Amnesty Belgique. La mort de ce petit garçon avait rapproché, si on veut, les opinions publiques du sort des réfugiés en Méditerranée et tout autour de la Méditerranée. Aujourd'hui, on en est de nouveau éloigné, tout simplement parce que la voie principale d'arrivée, qui était la mer Égée, a été fermée. Mais entre-temps, ça a continué par d'autres biais, notamment via la Libye. Et il y a plus de 3000 morts, 3000 personnes qu'on a pu recenser. Sont mortes noyées en Méditerranée depuis le début de l'année. Donc ça veut dire que la catastrophe continue, même si elle est un peu plus invisible à nos yeux aujourd'hui. Philippe Hensmans d'Amnesty International, interrogé par Juliette Arriga. La Floride en état d'urgence, l'ouragan Emrin approche à grands pas et il se renforce. Les autorités redoutent les inondations meurtrières. L'électricité a déjà lâché dans plusieurs quartiers sur la trajectoire de l'ouragan. À 8h09, c'est le 8h09 Sport et la gifle reçue hier soir par les Diables Rouges. La Belgique a perdu 0-2 face à l'Espagne en match amical hier au Stade Roi Baudouin. Un match pour du beurre, c'est vrai, mais quelle déception pour ce premier match avec le nouveau coach. Pas d'occasion, pas d'envie non plus. Le nouvel entraîneur Roberto Martinez ne cachait pas sa déception à la fin du match. Very disappointed with the performance. Très déçu. On a plutôt bien démarré. Et puis après, on n'a pas fait ce qu'on voulait. On n'a pas été capable de montrer ce qu'on avait mis en place. La performance est un niveau en dessous de ce qu'on avait attendu. Mais voilà, j'ai vraiment obtenu des informations aujourd'hui. Et je comprends aussi les supporters qui étaient déçus aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils voulaient voir. Voilà, maintenant, il faut regarder devant. Roberto Martinez avec Benjamin Deceninck. Venons-en à l'analyse de ce match. Michael Menten, on peut parler d'une rentrée complètement manquée. Oui, les Diables ont reçu une belle leçon de football hier soir pour cette rentrée. Jamais ils ne se sont montrés véritablement dangereux. On retiendra l'absence totale de fond de jeu, trop peu de pressing collectif aussi, mais surtout un manque flagrant d'agressivité et d'envie. Ils n'ont pas eu la grinta espérée. La preuve, il a fallu attendre 83 minutes de jeu pour voir le premier tir cadré. Thomas Meunier, l'arrière droit, est au micro de Thierry Luters. On connaît la qualité du football espagnol, ça joue exactement comme Barcelone, beaucoup d'espace, beaucoup de mouvements, des combinaisons, jeux courts, jeux longs, très très peu de déchets, énormément de solutions. Non, ça a été très difficile de pouvoir contenir les assauts espagnols. Parfois tu te retrouves dans ta zone avec deux ou trois hommes, c'est pas vraiment évident, ça bouge tellement dans tous les sens que c'est pas facile de suivre, de changer de marquage, etc. Et voilà, ça c'est des automatismes que nous on doit pouvoir créer. Des automatismes qu'il faudra donc trouver très rapidement, hein, puisque mardi c'est déjà le premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2018, un match qui se jouera à Chypre. Et en attendant, les Diables se retrouvent ce matin à 10h pour un entraînement à huis clos à Nerped. Et maintenant, Christophe, notre rendez-vous annuel avec Amélie Nothomb. Ben oui, c'est un métronome, Amélie Nothomb. À chaque année, avec la même régularité, elle nous offre un nouveau roman. Cela fait plus de 20 ans que ça dure maintenant. Et cette fois, voici Riquet à la houppe. Amélie Nothomb revisite un conte de Perrault où un garçon très laid et une ravissante jeune fille tombent amoureux fous. Un amour qui va leur permettre de soigner leurs blessures. Car, comme l'explique Amélie Nothomb, tous les deux ont beaucoup souffert. Lui de sa laideur et elle de sa beauté. La beauté fait peur, c'est pas un cadeau d'être trop belle. Donc finalement, ces deux personnages, Déoda et Trémière, se ressemblent parce qu'ils ont vécu la même exclusion. L'un pour trop grande laideur, l'autre pour trop grande beauté. Alors, l'autre malédiction de la trop grande beauté, c'est que quand on est trop beau, les gens disent nécessairement que vous êtes complètement stupide. Tandis qu'au moins, quand vous êtes très laid, les gens ne disent pas nécessairement que vous êtes idiot. On aurait même un certain présupposé d'intelligence pour les gens très laids, parce qu'on se dit qu'il faut bien que quelque chose compense. Bon, ça tombe bien, mon Déodat est vraiment intelligent. Mais Trémière, que tout le monde traite d'idiote, est-elle si stupide que ça? C'est une personne qui se tait. C'est une personne qui a compris que le silence était aussi une forme de langage. C'est une contemplative. Je crois qu'elle est très loin d'être idiote. Et en fait, ces deux individus étaient faits pour se rencontrer. Amélie Nothomb pour son nouveau roman Rika Laoup aux éditions Albin Michel. Donc quand on est beau, comme Sarah de Padua, on peut aussi être intelligent. Oui, mais quand on est laid, c'est le grand débat, Jean-Luc. Quand on est laid, on est intelligent. Non, on vient vers vous. Non, vous avez raison, Pascal, quand on est laid. Non, Jean-Luc, c'est très bien. Non, parce que. Il a meilleur avis que moi. Pascal, et vous pourrez témoigner de manière anonyme, Pascal Michel. Quand on est laid, est-ce qu'on est intelligent? Non. Voilà, Jean-Luc. Non plus. Non plus. Jérôme, quand on est entre deux, est-ce qu'on est intelligent? Qu'appelez-vous l'entre deux? Appel entre deux, c'est un peu comme si. Vous le trouvez entre deux? Jérôme? Oui. Il est entre cinq. Moi, je crois qu'il est très intelligent et j'allais dire que l'aîné était intelligent parce qu'il devait se battre un peu plus peut-être que les autres. Oui, alors on ne sera pas amis ce week-end. Je pense que les deux jours de break nous feront du bien. On va battre. Qui est notre invité tout à l'heure et on jure qu'on ne parlera pas physique avec lui. C'est la success story en France. Un gars qui est dans The Voice saison 5. Bon, il gagne pas, mais il se fait repérer quand même. C'est Claudio Capeo qui sera notre invité tout à l'heure. C'est un truc de fou. Il joue de l'accordéon, déjà ça c'est étonnant. Il a joué dans le métro, a côtoyé les SDF et il fait partie des meilleures ventes en France en ce moment. C'est vraiment l'histoire de Cosette dans Les Misérables. Petit qui devient grand, on en parlera avec lui tout à l'heure. Quoi, la comparaison vous convient? Oui, pas je vois Cosette avec son accordéon dans les égouts de Paris. Jean Valjean avec un flingue. Oui, mais dans la version initiale, il avait un AK-47, Jean Valjean. Vous n'avez qu'à regarder. Revisiter l'histoire. Du tout. Bon, oh, et mon vélo. Ah. Il y avait longtemps. Ouais. 8h15, Cactus. Hier, la Belgique affrontait l'Espagne. Le débriefing du match, forcément, avec Kiki l'Innocent. Mais oui, bonjour Kiki. Alors, vous avez analysé ce match. Quel est votre sentiment? Non, mais pour eux, sincèrement, si c'est pour jouer comme contre les Galeux, avec quasi les mêmes joueurs et avec autant d'envie que des jeunes à qui on dit on va aller visiter tout le week-end le musée des Beaux-Arts de Magritte, franchement, si c'est pour ça, moi, coacher, je peux le faire. Oui, attendez, vous n'avez pas les compétences pour coacher les Diables. Ah, parce que Toto González, il les a, lui. Non, Roberto Martinez. Oui, c'est ça, je le vois déjà discuter son contrat, lui. Hola, yes sir, Roberto Berteres, il y a un trade d'équipa des deuxièmes Ezona et une Grand Bretagne depuis Ozana au plus haut des tapas, qui accepta les postas par ici les pesettes. Mais enfin, c'est tout ce qu'on a besoin de lui dire. Tu crois qu'à l'Union Belgique, ils ont les compétences pour juger si un coach est valable ou pas? Mais... T'as vu qui y a dans le comité? Manque plus qu'à 10 Merckx, un Icordiel, Grand Jaja, et dans la prochaine folklorite de l'Homogang du Mannequin de Pitt. Écoutez, bon, allez, c'était sa première sortie, laissons-lui le temps à Roberto Martinez. Hein. Bien sûr, et attendons que Léos Gamet, Hazard et De Bruyne soient meilleurs et vaccinés. Mais non. Non plus qu'on attende que le nouveau stade national se construise et qu'on que l'exquine la politique non plus. Comme ça, on est sûr qu'on sera tous crevés avant. Hein. Laisse-lui le temps, tiens, fais des essais, Baron Sanchez. Les Bourlis sont bientôt libres, il me semble que Stromae, on ne l'entend plus beaucoup. Mais... Laisse-lui du temps. Allez. Quitte à prendre un Espagnol qui peut faire des miracles. Autant engager Garcimore. Mais quelles sont vos solutions alors, petit malin? Ben finalement, nous ce qu'on veut, c'est pas Torero Fernandez sur le banc, c'est Speedy Gonzalez sur le terrain. Ah, oui, ben, enfin, heureusement que là, ils sont tactiques apparemment. Ah, oui, hein. Oui. Ah, parce qu'avant, ils n'avaient pas tactique. Ah, non. Hein. Peut-être qu'on leur rappelait juste les règles avant de rentrer sur le terrain. Ça, ballon, attention, pas prendre avec les mains. Bon, là, t'as déjà Thierry Henry qui apprend un truc. Évidemment, bon, allez, là, ils sont tactiques, ils ont physique alors. Bebeto Torres, c'est bon, tu peux faire football maintenant. Mais, bon, Thierry Henry, justement, moi je trouve que c'est une bonne idée initialement. Oh, grande idée, Thierry Henry comme T3. Bon, pour le handball, je ne dis pas, mais il faut quand même un peu se dire qu'à un moment, que si les Français n'en ont pas voulu, c'est qu'il y avait une raison. Hein. Et puis franchement, un Français pété thune qui vient en Belgique gagner 3 cacahuètes, déjà fiscalement, je méfie. Bon, ça reste un match amical. Face à une grande équipe, certes, mais tout de même. Je te dis que le coaching, je peux le faire moi-même, mais à mi-tarif, et je m'installe où ils veulent en mi-pension complète. Hein. Grand Yves, j'ai presque dur à l'admettre, mais là... même le Standard joue mieux. Hein. Mais vous vous égarez, mon vieux. CAD, t'as vu les transferts de dernière seconde au Standard? Ah. Très lourd. Hein. Je crois que les joueurs qui arrivent, même dans leur propre famille, ne sont pas connus. Enfin, ça fait de la pub pour les héros du gazon. C'est bien pour les RTP, hein. C'est corporaté. Oui, c'est ça. Vous qui êtes si malin, vous auriez fait quoi alors? Mais déjà, les Lukaku, faut prendre une mesure radicale. Hein. Tu les naturalises. Hein. Qu'est-ce que vous racontez? Ils sont belges. Mais justement, tu les naturalises bolivien ou austro-maltais. Hein. N'importe quelle nationalité, mais plus la belge. Mais... Hein. Comme ça, t'es sûr qu'ils ne peuvent plus jouer. Il hein. n'y a rien à faire d'autre. Hein. Pour qu'ils ne jouent pas, il faut que ça passe par un cadre légal, sinon on ne va jamais s'en sortir. Ensuite, De Bruyne, tu lui cisailles le service 3 pièces avec un sécateur industriel. Comme ça, au moins, il n'aura plus rien à se battre et pourra se concentrer sur ses pieds. Vous êtes complètement fou. Vous venez de dire à la radio qu'il faut émasculer Kevin De Bruyne. Mais pas du tout. J'ai juste dit qu'il fallait lui couper les. Non, mais ça va, mon enfin, mais c'est vous. Qu'est-ce que vous dites? Arrêtez. Notez que je me demande si ça, ce n'est pas déjà fait. Il est tellement rouge quand il court, c'est soit ça, soit des piments mexicains dans la cour d'Aquarius. Oh. Et en plus, je dis ce que je veux. Si ça peut aider Rodrigo Béarnès, il faut que la sauce prenne. C'est ça. Witzel, mon Witzel. Oui, oui. Alors Witzel, le problème, c'est que sa tête est à Turin, son corps à Zinzenberg, son cœur à Liège. Oui. Par contre, De Four, lui, voilà, intelligence de jeu. Il quitte Anderlecht. Boum, il revient chez les diables, je l'ai toujours dit. Hein. Tu quittes les mauves, ta carrière redémarre. On n'a toujours pas notre défense avec non. ça. Non, et Nainggolan, n'en parlons pas, elle ne court même plus. Hein. À part chez le tatoueur. Ah, hein. Oui, ça, le tatoueur de Nainggolan, c'est comme le chirurgien de Compagnie. Hein. Le mec, il a fait fortune. Hein. C'est vrai, oui. Compagnie passe tellement de temps sur une table d'opération qu'on l'a rebaptisé l'homme qui valait 3 billards. Oh, joli. Il a une carte de fidélité, Compagnie. Bon, Nainggolan, bon, d'après les journaux, lui, c'est plutôt une carte d'infidélité. Oui, oui, c'est bon. Bon, alors, mais, et que va-t-il se passer maintenant? Bon, ben alors là, j'ai autant dire que si on joue comme ça contre les Cypriotes mardi, on va vite aller se faire voir chez les Grecs, c'est moi qui te le dis. Ah ben forcément, avec Martin Charlier et Kéké l'Innocent évidemment. On reparlera des Diables Rouges tout à l'heure dans C'est vous qui dites, en vous demandant s'ils ont été ridicules hier, parce que la presse est très sévère. Quel est le qualificatif pour les Diables hier soir, Sarah? Ridicule, je trouve ça très fort, parce que c'est leur premier match après l'Euro. Beaucoup qui le disent. Ils étaient inexistants, oui, ça c'est vrai. Entre ridicule et nul, vous prenez Nul. Nul. Entre ridicule et nul, Jean-Luc? Ils ont été excellents, mais ce qui leur manque, c'est une bonne chanson. Hein. Et là, le mec, il glisse sa carte de visite. Jean-Luc Fonck, bonjour. Le reste de la semaine, j'ai parce du temps. C'est vrai que la chanson de l'Euro, excusez-moi, c'était vraiment nul. Ah ben, il n'y a pas de mal. 8h19, c'est ça le 8-9. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. Et comment ça roule à 8h19? On va demander à Serge, notre motard Europe Assistance. Serge, vous êtes sur la route, ça se passe comment? Eh bien, c'est pas terrible. Hein. Bon, on n'a plus d'accidents, ça c'est la bonne nouvelle. Mais du côté du ring, ça se coince pas mal du côté de Strombeek. Entre Strombeek et Vilvoorde, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Quelques files également entre Zaventem et Grand-Bigard de l'autre côté, du côté extérieur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce chantier Anderlecht est terminé. Sur le ring, là, ça roule parfaitement bien. Et alors, il y a toujours deux chantiers, boulevard de la Woluwe. Il y en a un à Woluwe-Saint-Étienne qui n'avance pas du tout. Il y a pas mal de problèmes. Par contre, celui qui s'ouvre du côté Woluwe-Saint-Lambert, celui-là, il roule beaucoup mieux. Merci beaucoup, Serge, pour ces infos. On vous rappellera tout à l'heure. Ce sera juste après le journal bruxellois de 8h30. Ce sera aux alentours de 8h36 en direct. Sur Vivacité. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Ce week-end, Vivacité fête les 350 ans de la ville de Charleroi. Samedi, de 17h à 23h, Alain Simons, Olivier Gillin et Jean-Marc Dessert vous feront vivre en direct les festivités liées à cet anniversaire. Folklore, spectacle, concert. 350 ans, ça se fête? Bon anniversaire les Carolos. Vous avez manqué le match des Diables Rouges? Pas de stress, ayez le bon réflexe et regardez le match quand vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Ce dimanche, Christophe Maé est en concert sur Vivacité. Je veux de l'amour! Dès 18h, Bruno Tumers vous propose une spéciale Vivacité en concert avec Christophe Maé. L'occasion d'évoquer les chansons de son nouvel album, La Trappe Rêve, les artistes qui l'ont marqué sur scène et ses prochains concerts chez nous cet hiver et au printemps 2017. Alors... Hey, salut, c'est Christophe Maé dans Vivacité en concert. Dimanche, dès 18h. Il est là. Le 8-9. Alors, Jean-Luc a travaillé cette semaine, puis après, les Bleus nous le prendront, et les Diables Rouges nous le prendront, puisqu'il est en train de négocier une chanson. Donc, pour Caroline, suppositoire. Pour Isabelle, chinois. Pour Ludovic de Moustier-sur-Sambre, parathyroïde. Et pour Colette, Bretagne. Vous allez faire quoi avec ça? Alors, c'est une chanson... Exceptionnellement, j'ai fait une chanson un petit peu intellectuelle. Ah. Un mélange entre Barbara, Léo Ferré... Et il y a quand même un peu de Jordi. Et la chanson s'appelle « En me levant, c'est bizarre, je me sentais matin, j'avais l'impression d'être un phare aveuglé par les lapins. » C'est toutes les paroles de la chanson, le titre en fait. Non, ce n'est pas dans la chanson. Ah, c'est pas dans la chanson. C'est comme Vivaldi, les quatre saisons. Il ne le dit jamais. Mais c'est vrai, mais vous avez raison. Donc redonnez-moi ce titre. « En me levant, c'est bizarre, je me sentais matin, j'avais l'impression d'être un phare aveuglé. » Les lapins. C'est du Barbara. Oui. C'est du Barbara, c'est troublant. C'est vraiment troublant. Vous découvrirez ça tout à l'heure. Mettez vos magnétoscopes VHS en route, parce que ce sera un grand moment. L'évasion tout à l'heure, Pascal, vous nous emmenez où? Eh ben moi, je vous propose un concert gratuit de Chantal Goya, par exemple. Ce sera du côté de Charleroi pour les 350 ans de la ville qui se célébreront ce week-end. Ah ouais, les Carolos, ce week-end, ils vont avoir un programme chargé. Hein. Ça démarre tout à l'heure. Il y a du DJ, il y a du truc. Bon anniversaire, les Carolos. Nous vous offrons le Zap Télé à 8h23 avec télépro.be et nous vous offrirons Sarah. Vous pourrez tous les Carolo faire une photo à côté de Sarah. Gratuitement, Charlot. Oui. Et Sarah s'engage à rester pour tous les Carolo. Oui, vous le serez. Pour Via for Life. On pourra vous toucher, vous serez dans le cube. À travers une vitre. Ok, vous pourrez toucher le cube qui a touché Sarah. Vénard. Alors, le Zap Télé. Donc, on va commencer par le petit cadeau que Cap 48 reçoit. On met de l'argent dans la boîte, mais elle ne se déshabille jamais. Mais il n'y a pas un petit volet qui monte et qui descend comme c'est dans ça, les... la générosité. Mais voilà. Oui, ben, vous l'êtes moins que les autres. Et là, je découvre que Jérôme connaît les pipes chauds. Elle appelle la jeunesse, bonjour. Ah bah dis donc. On a toutes les dernières infos Cap 48. Sur Cap 48. La grande soirée événement se déroulera le 9 octobre, présenté par Élodie de Sélis et Jean-Louis Lahaye. On a le nom du parrain, Jean-Luc Reichmann. Le Jean-Luc Reichmann, la star de TF1, donc le parrain de Cap 48, c'est bien, parce qu'à 24 ans, il a eu un... Pierre Reichmann. Il a survécu à un accident de moto à 24 ans, donc le handicap, il connaît, ça peut arriver à tout le monde, et donc ça lui tient à cœur, ça lui tenait à cœur d'être là au rendez-vous. Ce sera donc le 9 octobre sur la Une. J'ai un trou de mémoire, le jeu du les 12 coups de midi. Les 12 coups de midi. Non, mais attends, il y a un autre en face de Nagui. Est-ce qu'il n'a pas fait Les Amours précédemment ou pas? Non. C'est texte, mais je sais bien, mais avant c'était lui. Au tout début, c'était lui. Après Lafont, en fait. Non, il y a eu Patrice Lafont, et puis il y a eu qui? Jean-Luc Reichmann. Je pense qu'il y a eu Jean-Luc Reichmann. Sur France 2. Oui. Et avant, il faisait attention à la marche. Attention à la marche. Bon, ça, c'était Guy Lux. Et Simone Garnier, on la voit de moins en moins à la télé quand même. Bon alors, dans le Zap Télé aussi, des nouvelles. C'est important de Claire Chazal qui a encore retrouvé un travail. Le titre, Claire Chazal, présentatrice météo sur France Info. On en parlait hier, France Info qui a été lancée officiellement hier dans le journal, dans le JT de Pujadas de France 2 à 20h. Donc la chaîne maintenant existe. Et aujourd'hui, elle va présenter toute la journée des bulletins météo. C'est un job d'un jour, c'est de la com. En fait. Un petit clin d'œil parce que Claire Chazal travaille maintenant pour France Télé, notamment sur France 5. Et donc, elle va présenter aujourd'hui, si vous êtes connecté, n'hésitez pas, c'est france-tv-info.fr ou .com, enfin vous tapez France TV Info sur votre France Info.fr, ça marche. Voilà. Débrouillez-vous, c'est ça que ça veut dire. Et toute la journée, elle va présenter donc des bulletins météo et il n'y a pas qu'elle qui va s'y prêter. Tatiana Silva reprend la case politique. D'un jour. Qui d'autre? Plusieurs stars de la chaîne vont jouer le jeu. On a Stéphane Bern, Michel Drucker, il y a Nagui aussi, donc sympa et c'est un beau clin d'œil des collègues. On se tient les coups dans notre chaîne, dans le même groupe, c'est sympa. Ah ouais, c'est pas mal et c'est un petit clin d'œil donc pour lancer. Vous voulez faire la météo un jour, Christophe? Je pourrais faire, c'est vous qui le dites un jour. C'est beaucoup trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Vous voulez faire le journal, Jean-Luc, à la place de Christophe? Écoute, moi je veux bien. Il faut penser à l'auditeur, c'est pas une bonne idée. Écoute, je pense qu'il est gagnant. Hein. Vous voulez faire quoi, Pascal? Vous voulez faire un job? Moi je présenterais bien l'émission politique du dimanche sur la Une. Ah ben donc, carrément, pas de rien. Oui, comme ça, j'ai envie. Elle vient d'être prise par Sacha Daoud. Vous arrivez pile trop tard. Zut, l'info dans une seconde. My love vélo. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. C'est la rentrée et votre Westland Shopping va vous aider. Ce samedi 3 septembre, de 14h à 18h, déposez-nous vos cahiers et nous les recouvrons dans l'heure. Participez aussi à nos ateliers coiffure chrono, lunch rapide et équilibré, comment choisir son stylo ou entretenir ses lunettes. Une rentrée zéro stress, c'est au Westland Shopping. Rendez-vous ce samedi 3 septembre de 14h à 18h et n'oubliez pas leurs cahiers. Westland Shopping, mon shopping, si proche. Ring West, sortie 14, parking facile. Aujourd'hui, on peut tout faire en moins de 2 minutes. Moi, en 2 minutes, j'ai inscrit Thomas au foot, rencontré la nouvelle copine de Jules et demandé à Chloé de ranger sa chambre au moins 15 fois. La STIB prend votre temps au sérieux. Grâce aux automates Go, renouvelez l'abonnement scolaire de vos enfants en moins de 2 minutes. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Les Woofies reviennent chez Shoe Discount. Ces chaussures de qualité pour les enfants, approuvées par les podologues. Achetez-les et recevez un poncho de pluie gratuit. Ça, c'est bon à savoir. Moi, j'aime bien faire de bons gratins de légumes. Alors, un bon gratin avec nos magnifiques choux-fleurs, vous m'en direz des nouvelles. Un petit. Moi que oui, monsieur Marc. D'ailleurs, gratiné ou pas, il est extra notre chou-fleur. Mais rassurez-vous. Quoi ? Son prix, lui, n'est pas gratiné. Ah ouais ? Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre excellent chou-fleur est à seulement 1,29€ la pièce. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Hésitez moins, vivez plus. Découvrez le monde grâce aux incroyables tarifs Book & Pay de Connections. Débutez votre aventure dans l'un de nos travel shops ou sur connections.be. Connections. Go. Explore. Vivacité vous invite à l'avant-première de Ben Hur avec Morgan Freeman. Ma famille a été trahie par mon propre frère. Pour y assister le 6 septembre à Bruxelles et Liège, téléphonez au 0905 56 472 50 cents par appel. Si ton frère fait la fierté de Rome, en le battant, tu vaincras un empire. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, le magazine Délices et ses recettes pour cuisiner vite et bon. Des plats qui feront plaisir à tout le monde. Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. La région de Bruxelles Capitale, Viva Bruxelles et la Une présente la fête de la BD. Mais oui, fête de la BD. Cette année, le Québec est notre invité d'honneur. Et nous fêterons les 70 ans des éditions du Lombard avec le rallye du journal Tintin, le festival BD, les visites guidées et la grande parade du Balloons Day. Fête de la BD, Parc de Bruxelles du 2 au 4 septembre. Avec la ville de Bruxelles et le soir. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce vendredi. Un conseil d'entreprise extraordinaire commence en ce moment chez Caterpillar à Gosselies. L'inquiétude est vive, crainte de suppression d'emplois et peut-être la fermeture pure et simple de l'entreprise. La rentrée scolaire se poursuit dans le secondaire. Nouveauté cette année, les cours de base seront renforcés dans l'enseignement technique et professionnel, le cours de maths, de français et de langues étrangères. Les débuts ratés des Diables Rouges sous la direction de Roberto Martinez. Défaite 0-2 hier soir en match amical face à l'Espagne. Il faudra rectifier tout ça très vite avant le match contre Chypre de mardi. Ce vendredi, le temps est doux, doudou, et le soleil est voilé, lélé, les températures, 25 degrés, gré-gré, c'est le principe. Tout à l'heure, une belle histoire, celle de Cléo Diocapeo. Cet homme a démarré dans The Voice, après être passé par le métro, avoir croisé plein de SDF. Il est le meilleur vendeur de disques en France. Il est 8h30. L'info de notre région. Bonjour Bruno Schmitz. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et tous. On démarre avec un chiffre interpellant en constante progression. Dans les Hauts bruxellois, 4 personnes âgées sur 10 sont en état de démence. La ville de Bruxelles voudrait donc adapter son offre. Elle va ouvrir une maison de repos spécialisée dans l'accueil de ces personnes qui souffrent notamment d'Alzheimer. Ce sera le cas en mars. Écoutez Pascal Peretta, la présidente du CPS de Bruxelles. La maison de repos et la maison de repos et de soins, c'est pratiquement uniquement normalement du personnel soignant et infirmier. Clairement, nous avons opté pour faire intégrer du personnel tout à fait divers et différent, qualifié bien entendu, mais qui puisse aborder la kinésithérapie, la logothérapie, des éducateurs, des animateurs, des ergothérapeutes aussi. Alors, ça va depuis le comportement de tout le monde, les soignants, plus ce personnel spécialisé, parce qu'il faut évidemment parler plus doucement, il faut une attention particulière, il faut une grande écoute, il faut être bienveillant. Et il faut surtout faire en sorte que ces personnes se sentent en sécurité. Une interview signée Fabrice Gérard. Et puis cette déclaration qui va faire du bruit en cette rentrée politique. Le ministre-président bruxellois Rudi Verwoerd n'est pas satisfait du décret inscription tel qu'il fonctionne actuellement. Véronique Fievet, vous l'avez contacté ce matin. Il réclame un bilan de ce décret inscription. Et oui, un bilan, car selon lui, les écoles incomplètes d'un côté et des élèves sans école de l'autre, c'est la preuve que quelque chose ne fonctionne pas. Il veut donc une évaluation de ce décret. Le décret inscription visait notamment à assurer une mixité sociale dans les écoles, et je pense qu'il est plus qu'utile d'en faire le bilan, de voir si les objectifs ont été atteints. Je pense que des mesures adaptées et spécifiques à Bruxelles, oui, je pense que c'est nécessaire. Donc moi, ce que je demande par rapport au décret inscription, c'est qu'on en fasse une évaluation objective si tout va bien en Wallonie, tant mieux, mais j'aimerais bien quand même pouvoir être rassuré de la situation à Bruxelles. Or, aujourd'hui, je ne le suis pas. Voilà, alors le problème, c'est que la Fédération Wallonie-Bruxelles est compétente en matière d'enseignement et elle ne semble pas souhaiter pour le moment une révision de ce décret. Rudy Vervoort n'exclut donc pas de prendre en charge lui-même des mesures spécifiques à Bruxelles, un peu comme son prédécesseur Charles Piquet l'avait fait il y a quelques années en décidant que la région allait construire elle-même des écoles pour répondre aux besoins de l'époque. Les explications de Véronique Fievet. Les deux hommes suspectés d'avoir tué un étudiant en droit de l'ULB devront bien s'expliquer en cour d'assises. C'est ce qu'a décidé la Chambre des mises en accusation de Bruxelles. Le corps de ce jeune de 22 ans avait été retrouvé l'an dernier dans un champ à la limite de Wemel et de Jette. Philippe Carlo. Le 9 juin 2015, des ouvriers de la commune de Jette découvrent dans un champ un grand sac de sport contenant le tronc d'un homme. La tête, les avant-bras et une partie des jambes manquent. C'est un tatouage sur le tronc de la victime qui permet son identification. Il s'agit d'un étudiant albanais de 22 ans prénommé Juliano, étudiant en première année de droit à l'ULB. Le 25 juin, un premier suspect est placé sous mandat d'arrêt. Il s'agit d'un ami de la victime. Un second suspect a lui fui en Macédoine après les faits, avant de se rendre à la police en juillet 2015. L'autopsie n'a pas permis de déterminer la cause de la mort. Le dossier contient encore d'autres zones d'ombre. Le mobile reste par exemple en suspens. L'enquête a permis de mettre en évidence l'implication des deux auteurs et de la victime dans un trafic de cannabis, sans pouvoir établir si ce trafic est à l'origine de l'assassinat. Par ailleurs, le déroulement précis du week-end des 6 et 7 juin, pendant lequel Juliano a disparu, reste mystérieux. C'est la téléphonie qui a permis de confondre les deux accusés qui se trouvaient ensemble dans un appartement de Kuckelberg en compagnie de la victime. Et on termine en mousse et en amertume. La Grand Place et la Bourse accueillent l'un des tout gros événements de l'année autour de la bière. C'est le Belgian Beer Weekend qui démarre aujourd'hui et jusque dimanche. Mais si vous préférez des goûts peut-être plus audacieux ou en tout cas à moins connus, eh bien rendez-vous samedi à quelques centaines de mètres de là, Place Sainte-Catherine. C'est là que la première édition du Good Beer Feast, ou Festival de la Bonne Bière en français, aura lieu. Alice Dulchevski, la brasserie du Brussels Beer Project et leurs amis y serviront des bières dites craft. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Réponse en dégustation. Elle a une amertume à laquelle je ne m'attendais pas et qui est pas désagréable. L'amertume ou encore les ingrédients des bières peuvent surprendre, mais c'est bien ça le but des brasseries dites craft. Le morning sunshine. Mais craft, c'est quoi exactement ? Même pour les clients de cette brasserie, c'est un peu le fou. Vous savez ce que c'est une bière craft ? Pas trop. Je ne sais pas ce que c'est. C'est la première fois que j'entends ce terme utilisé, je dois l'avouer. Éclairage avec Sébastien Morvan, co-créateur du Brussels Beer Project. Pour moi, craft, c'est cet état d'esprit, un petit peu de la bière sans tabou, j'ai envie de dire, qui sort des sentiers battus, qui explore de nouveaux chemins du goût. On se donne aucune limite. On a brassé avec de la fève de tonka qui vient d'Amazonie, avec du chipotle qui vient du Mexique. Pour lui, ce mouvement est en fait surtout né d'un ras-le-bol. Je crois que cette révolution du goût se fait surtout contre les bières industrielles. Les traditionnelles d'un côté et les crafts de l'autre grandissent sur des chemins peut-être différents. Mais je crois que celle qui gagne surtout, c'est la bière de qualité. Et voilà, s'il te plaît. Merci. Si le mot craft n'a pas encore atteint le langage courant, le concept, lui, a du succès. Tout particulièrement au sein d'un public urbain, jeune et un peu branché. Et puis l'invité de BX1 sera une députée du Parlement de la Communauté française ou Fédération Wallonie-Bruxelles, comme on dit aujourd'hui. C'est la défi Joël de Maison. Rendez-vous sur BX1 vers 12h45 avec Stéphanie Meyer. Et puis en football, pas de match pour Anderlecht ce week-end à cause des Diables Rouges qui jouaient hier. L'Union, lui, jouera bien dimanche à 16h face à l'Antwerp en division 1B. Voilà, il est 8h36. Benjamin et toute son équipe reviennent pour le 8-9. Belle journée. À 9h, c'est vous qui lisez avec trois débats sur la table. D'abord, le palais a-t-il eu raison de censurer l'image du petit prince Emmanuel en pleurs dans les bras du roi à l'entrée de son école. Sud Presse est très fâché car cette photo ne sera pas diffusée. Le petit prince qui pleure avec son papa, quoi de grave. Ensuite, hier, les diables ont-ils été ridicules, comme le dit toute la presse ce matin. Si oui, pourquoi? Et puis à Morlanway, la maîtresse d'un bulldog assassiné par un American staff demande l'euthanasie de ce chien parce qu'il recommencera. Avez-vous la même sensation qu'elle? L'American staff recommencera à tuer. Zoé Boss, le standard est ouvert. Ici, pas de 02, mais de 070-233-466. Vous pouvez composer vos SMS au 3063 50 cents par message. Nous vous attendons aussi sur la page Facebook de C'est vous qui le dites, que vous pouvez commenter et liker. RTB. On va sur la route à 8h37 avec Serge, notre motard Europe Assistance. Serge, comment ça se passe à cette heure-ci ? rapport à tout à l'heure, hein, c'est bien dense dans tous les changeurs de Stromberg, du côté intérieur comme du côté extérieur. Alors, je suis passé par le secteur Van Praat aussi, qui en général est bien embouteillé. Mais aujourd'hui, ça se passe pas trop mal. Alors, je vous rappelle d'éviter, si vous le pouvez, l'ULB par l'avenue Franklin Roosevelt, puisque celle-ci a été mise à deux fois une bande de circulation avec pas mal de soucis. Par contre, du côté de Stéphanie, hein, je vous le rappelle encore une fois, le tunnel est rouvert et donc plus de soucis. Merci beaucoup Serge. Prudence donc sur la route, on vous retrouvera tout à l'heure dans l'aller-retour. 411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Télé sur la Une. Pour la rentrée de lieux interdits, je vous emmène à bord d'un immense paquebot. Comment s'organise la vie de ce palace flottant? À quoi doit-on le succès des centres de loisirs? Et Dubaï l'extravagante parviendra-t-elle à devenir la première destination touristique au monde? Julie Morel vous ouvre les portes des lieux interdits ce vendredi soir sur la Une. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi, 350 ans, le week-end anniversaire des 2, 3 et 4 septembre. Accès exceptionnel à de nombreux sites historiques, dont l'hôtel de ville et son beffroi, les puits sous la place Charles II et la forteresse hollandaise. Réservé à la maison du tourisme au 071 86 14 14. Le 8-9. Vous avez vu les 101 Dalmatiens? Eh ben, c'est la tenue de Sarah de Padua ce matin. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ça ressemble. C'est cruel, là, dans les 101 Dalmatiens. Blanc avec des points noirs. Oh. Jean-Luc, je rappelle la mission parce que j'ai la Pouette Machine tout à l'heure en live dans un concert inédit. Vous nous avez promis une œuvre qui devrait intégrer pour Caroline Danu, Suppositoire. Pour Isabelle de Dilbeek, Chinois. Pour Ludovic, Parathyroïde à Moustier-sur-Sambre. Et pour Colette de Hame-sur-Eure, Bretagne. Écoute, on va faire de son mieux. Et donc, ça sera une grande chanson française de qualité. Ah ben, comme on n'en fait plus. Voilà, on n'est jamais déçu quand vous faites de votre mieux. On ira où tout à l'heure, Pascal? Eh bien, je vous emmène à Charleroi, où la ville va célébrer ses 350 ans ce week-end avec des reconstitutions, des cortèges, des concerts, bref, plein de choses. Le programme détaillé dans un instant. Attention, le piège, vous complétez la phrase. Moi, ce que j'aime à Charleroi, c'est... Attention, moi ce que j'aime à Charleroi c'est... La générosité, Viva for Life évidemment. Pascal, moi ce que j'aime à Charleroi c'est... Les carolos. Oui. Jean-Luc. La fête. La fête. Moji Bayat quand il a de l'argent. Voilà. Et Robert Lafritte, comme ça on peut rentrer le ventre plein. Je voudrais vous raconter ce matin une très belle histoire. C'est celle d'un homme qui se fait repérer dans la rue par les casteurs de TF1. Il arrive dans The Voice édition 2016 saison 5 et là il y a le producteur de Zaz qui le repère. Ce mec fait un single, fait un disque. C'est un des meilleurs vendeurs en France en ce moment. Connaissez-vous Claudio Capeo avec ce titre? On fait un petit bout d'histoire avec lui ce matin. Bonjour Claudio Capeo. Bonjour à tous. Et bonjour. Bienvenue. Hello. Et dans le clip, merci beaucoup. Il y a une grande roue dans le clip. C'est sur quelle place, quelle ville? Alors, c'est la place Bellecour et c'est à Lyon. Ah, voilà. C'est à Lyon. Mais vous, vous n'êtes pas de là. Vous êtes alsacien. Alors non, pas du tout. Moi, je ne suis pas loin de chez vous. Je suis alsacien, ouais. Je suis dans ma petite campagne, dans un petit village qui s'appelle Steinbach. J'y suis très, très bien. Et ce matin, voilà. Vous êtes dans votre petite campagne ou vous êtes dans un 6 étoiles au sommet d'une tour, dans une suite? Oh non, pas du tout. J'ai acheté une vieille maison de village il y a à peu près un an et demi que je suis en train de retaper complètement. Là. Donc, j'ai plus trop le temps en ce moment, mais dès que je peux rentrer à la maison, je rentre pour poser un peu de placo. Ah, c'est voilà. Trash. Ouais, vous mettez les cloisons en giproc, c'est compliqué à poser le giproc. Vous le mettez sur des lattes en bois ou vous mettez sur les montants métalliques? Ah, métallique. Sur des métalliques, ouais. Ah, c'est marrant, alors que c'est plus facile. Sur le tas, hein. Ouais, c'est plus facile. J'ai à faire dans la maison, hein. Donc ils ne sont pas forcément droits, mais je fais ce que je peux. Hein. Ah, le plâtrage, c'est compliqué. Vous savez plafonner droit? Ah mais c'est un travail, hein. C'est un travail. Hein. Ah ben tu m'étonnes, les plafonneurs, ils sont les bons plafonneurs, sont rares. L'accordéoniste plafonne droit, forcément. Ouais. Bah oui, ben je savais pas. Oh, ouais, ça, ouais. Je découvre. Il me sort, enfin. Alors sinon, accessoirement, la musique, donc. Vous commencez à un moment l'accordéon parce que c'est votre patte. C'est vrai qu'à un moment vous l'avez arrêté l'accordéon, vous étiez un peu gêné, mal à l'aise, quoi. Ben oui, c'est vrai. C'est en fait j'ai commencé l'accordéon à l'âge de 6 ans. J'en ai fait jusqu'à l'âge de 13 ans, donc. Bah, j'ai fait des championnats d'Europe, championnats de France, des trucs comme ça. J'ai fait des concours à droite à gauche avec ma mère qui m'a toujours beaucoup poussé derrière, en fait. Et puis vers l'âge de 13 ans, j'ai arrêté parce que je passais pour un con auprès des filles, tout simplement. Ça marchait pas du tout au niveau de la dragouille, c'était pas du tout ça. C'est pas la gratte, hein. Ça marchait super bien. Alors qu'à l'inverse, Yvette Horner chez les hommes cartonne avec son accordéon. C'est vrai, hein. Vous connaissez Yvette Horner, Claudio Capeo? Bien sûr. Ah, c'est une vraie vedette, mais dans un autre style. Alors, il y a une petite confusion d'interview en interview, de promo en promo, parce qu'évidemment, on a tendance un peu à romancer votre histoire, même si elle est véridique, mais au moment où on vous repère, vous êtes SDF ou vous jouez dans le métro? Ce qui n'est pas la même chose, hein, SDF et jouer dans le métro. Exactement, non, j'ai jamais été SDF. Par contre, j'ai vraiment fait du métro, j'ai vraiment fait la Manche. Donc, j'étais pas au plus bas, mais j'ai côtoyé ce milieu-là, j'ai côtoyé tous les SDF, j'ai passé du temps avec eux. On a passé plusieurs semaines et puis c'est pour ça qu'il fallait une chanson, il fallait mettre un texte là-dessus, il fallait poser des paroles et puis il y a un homme debout qui est sorti. Et voilà. C'est un carton aujourd'hui puisque vous êtes dans les meilleures ventes de France, par moment la meilleure vente de France. Ça vous embête quand on raconte le truc un peu à la Cosette, Les Misérables? C'est l'histoire d'un petit gars de village, il joue dans le métro, on le repère dans la rue, il arrive à la télé, ça cartonne. Il y a une histoire qui est un peu magique, ça vous gêne quand on la raconte comme ça? Ben, elle est magique, mais c'est la vraie histoire, donc ça me dérange pas du tout. Il y a vraiment pas de mensonge, c'est que de la sincérité, et c'est ce que je fais passer dans mon album aussi. C'est ma vraie vie. Il y a pas de prise de tête, on a rien monté, c'est vraiment ça. Donc c'est vrai que c'est un conte de fées, quoi. Moi qui ai toujours rêvé de faire de la musique étant petit, là, ça m'est vraiment tombé dessus assez rapidement et c'est vraiment merveilleux. Qui vous repère finalement dans The Voice, puisque vous n'êtes pas le gagnant de The Voice, mais qui vous repère? C'est le producteur de Zaz, ou c'est Zaz, ou c'est Nikos? Alors à la base, alors c'est encore plus compliqué que ça, c'est Bruno Berberet, c'est le directeur des castings qui me repère et qui se dit « ce mec, il a un truc dans la voix, ça peut être plutôt pas mal », alors que moi, je me prenais pas du tout pour un chanteur, pas du tout pour un mec qui pouvait faire The Voice, en fait, j'étais juste un chanteur de rue. Voilà, et puis je me fais repérer par Bruno Berberet qui passe la main à Sébastien Saucé, qui est le producteur de Zaz. Et voilà, et puis je perds l'émission, et puis le lendemain, je rentre chez moi, The Voice est terminé, et puis il m'appelle, et puis il me dit qu'il veut me signer pour faire un album. Et bien comme quoi, il vaut donc mieux là, parfois perdre. C'est une belle leçon. C'est assez merveilleux, quoi. Mais donc ça veut dire que maintenant, parce que la promotion, le truc, le bazar, vous ne jouerez plus jamais dans le métro, vous êtes conscient de ça, que ça va être compliqué à caser. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je suis quand même assez tranquille. D'ailleurs, j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps à ma production, que j'aimerais bien faire un petit concert surprise dans le métro, pour y retourner, pour faire un petit tour. Et on a un super métro à Bruxelles. Si vous cherchez un coup, on a un super métro à Bruxelles qui est vrai. On a une station Malbaie qui a été touchée par les attentats et ce serait un lieu magique pour faire un truc. Ouais. Pensez à nous puisqu'on est voisins et que vous êtes alsacien. Et avec plaisir. Dès que je viendrai vous voir, on fera un truc. Vous êtes le bienvenu. Oui. Claudio Capeo, merci d'être passé ce matin. Bonne journée. Merci à vous aussi. Bonne journée. À bientôt. Raccrochez les gars, raccrochez. Il a l'air cool. Ouais, il est vraiment bien. Ouais, franchement. On revient vers ça, des chanteurs réels, vrais, sincères en fait. Il n'est pas star system. Et il était chez Laurent Ruquier samedi et il a bluffé tout le monde. Hein, parce que autant les invités en plateau que les spectateurs, c'était sublime. Ouais, Jean-Luc, il a l'air cool. Hein. Ouais, il est super cool. C'est vrai que le chanteur se la pète un peu, non? Ça dépend, les vrais chanteurs, oui, mais d'autres poules. pas de nom. Dans un instant, Jean-Luc Fonck est en live. C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservé pendant les jours du oui, avant le 29 septembre, pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, le séjour est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservé chez Jet Air Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. Vivacité et la ville de Charleroi présentent le cortège des 350 ans de Charleroi. Le samedi 3 septembre, géants, sidérurgistes, mineurs, verriers retraceront les grandes étapes de l'histoire de Charleroi. De 17 à 19 heures de la place Charles II au quai de Sambre. Présence exceptionnelle de l'Homme Gang. Groupes musicaux et chorales sur tout le parcours. Le mercato de football est terminé. Ce lundi 5 septembre, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent en exclusivité le guide officiel de la Pro League. Un supplément de 48 pages pour tout savoir sur la saison de la Division 1. Noyau complet, calendrier des rencontres, dernier transfert, c'est ce lundi 5 septembre et c'est gratuit avec votre journal. Sud Presse, numéro 1 du sport. Bienvenue dans ce cours de langue porcine pour les fermiers. D'après une étude, il apparaît que les éleveurs ne comprennent pas le langage des porcelets. C'est pourquoi nous leur apprenons aujourd'hui trois expressions. La première veut dire « je me sens bien ». La suivante veut dire « j'adore ». Et enfin, la plus difficile veut dire « arrêtez de me castrer, c'est insupportable ». Je pensais que ça voulait dire « ça j'adouille, moi ». Aidez-nous à faire interdire légalement la douloureuse castration des porcelets. Rejoignez-nous sur gaia.be. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Le 8-9. Attention, ça va être compliqué. Il faut quand même parvenir à placer dans une chanson suppositoire. C'est Caroline qui a démarré la semaine avec poésie. Ensuite, Isabelle a voulu du chinois. Ludovic aime la parathyroïde. Et Colette est d'humeur Bretagne. Jean-Luc, la pression est sur vous. Écoute, je suis un petit peu inquiet. À un moment donné, vous allez devoir chanter avec moi. Ah bon, sûr. Comme ça, la pression est sur vous. Attends, je n'entends plus Jérôme. Jérôme est toujours là ? C'est inquiétant. Ah, il est là. J'ai la pouette machine. Dès que vous placez, je pouette. Et alors, vous allez voir qu'on reconnaît la vieille manière de chanter de ces grandes voix. De Jordi. Ah, c'est Barbara, ouais. C'est assez moderne. C'est Barbara. J'ai dévissé mon nombril, mes oreilles sont tombées. J'ai dû descendre en ville pour les faire réparer. Je n'ai jamais autant senti le parfum inodore des roses blancs foncés que j'ai croisées au drugstore. Oh, je me demande qui, je me demande où, je me demande quand, je me demande comment, mais je ne me demande jamais pourquoi. Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait du verglas. Poursuivi jusqu'en Bretagne par un suppositoire géant. Je me cache dans une armoire normande, en chaîne dans la boîte à glands. Je tombe sur un chinois limite bizarroïde. Il me parle de parathyroïde. Tout ça ne l'intéresse pas. Parathyroïde. Oh, je me demande qui, je me demande où, je me demande quand. Ben, c'est comme ça qu'il chantait dans le temps. Mais je ne me demande jamais pourquoi. Qu'importe le flocon, pourvu qu'on ait du verglas. Là, c'est le... Faites un break. Tu vois, on dirait Barbara. Mais vraiment, j'y étais. Un peu Edith Piaf aussi. Un peu Edith Piaf. Sur la fin. Attention, c'est bientôt fini. Les poissons ne rêvent jamais, car les poissons ne dorment pas. Et si parfois les poissons pleurent, personne ne le voit. Ah. Je me fais couler un bain pour me laver de mes fautes. Et s'il n'en reste qu'un, c'est moi qui serai l'autre. Chanter. Je me demande qui, je me demande où, je me demande quand, je me demande comment, mais je ne me demande jamais pourquoi. Oui. Qu'importe le flocon, pourvu qu'on ait du verglas, encore une fois, elle est là. Je me demande qui, je me demande où, je me demande quand, je me demande comment, mais je ne me demande jamais pourquoi. Qu'importe le flocon, pourvu qu'on ait du verglas. Voilà. Rassurez-moi, on a raccroché avec l'accordéon. Jean-Luc Franck est un artiste contemporain. Imagine, ça j'entends ça. Elle vous repère. Elle me repère. Vous entendez, les producteurs de The Voice n'appellent pas. Donc, quelqu'un fait marche arrière sur l'autoroute, conducteur fantôme. Eh bien, vous avez bien chanté, non. Parce que c'était pas facile. Non, ah non. C'était magnifique. C'était une chanson, comment dire, interne. Ouais, c'était grandiloquent. Je signale que sur vivacité.be, vous pourrez revoir ça intégralement. On la mettra en entier sur vivacité.be. Et je voudrais maintenant, c'est un petit plaisir personnel, vous entendre dans L'Aigle Noir, a cappella, car la ressemblance était troublante. Un matin, vous faites. Ou peut-être une nuit. Ça, j'ai trouvé ça génial. Attends, tu chantes une chanson qui commence par un matin, peut-être une nuit, on dit oui. Ah ouais, ben. Et là, tout à coup, c'est génial. Ouais. Non, on se dit non. 5h du match, j'ai des frissons. Bon, alors, dans un instant, la question d'une intérêt général. Et nous allons fêter l'anniversaire de Charleroi. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Je suis Tommy Moutsen, enseignant en mécanique automobile à l'ITP Cours Saint-Étienne. Savez-vous que mes élèves ont la chance de travailler dans un garage pédagogique avec de vraies demandes de clients ? L'option mécanique automobile ouvre les portes de concessionnaires renommés. L'enseignement organisé par le Brabant Wallon forme au métier d'avenir. Plus d'infos sur brabantwallon.be. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. C'est la rentrée, mais on est encore de sortie. Nous vous attendons samedi au pied des éoliennes de Perouet, dans le Brabant Wallon. Nous aurons toute la place pour pédaler entre le domaine viticole de Melmont, le prieuré de Malève-Sainte-Marie-Ouestine et Torrombelle-et-Béguine. À l'arrivée, juste avant l'apérobique, le grand retour des Charlots. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Vous ne rêvez pas. Mathieu Godeau offre 21% de remise sur la literie, les box springs, les matelas et les sommiers à latte. Vous préférez encore dormir dessus? Profitez de cette action de rêve du 1er au 30 septembre. Mathieu Godeau, Alzenberg, E19, sortie 20. Ouvert également le dimanche. Il y a des matins... T'as ton cartable ? Check. Ta boîte à tartines ? Check. Et ton CC Mail ? Double check. Qui ne changeront jamais. Oh, t'as tes clés ? Check. Ton ordi ? Check. Et ton CC Mail ? Double check. CC Mail, à savourer à tout moment, en route ou pendant votre pause. Jusqu'à 9h, le 8-9. Vivacité. J'aurais quand même envie de réécouter la chanson une deuxième fois, mais avec la question. Oui, non, la vôtre. Mais la question d'une intérêt général nous attend. Prime avant tout, oui. Évidemment. Alors, la question de l'intérêt général, quel nom donneriez-vous à Bébé Panda ? Des dizaines de suggestions, vous pensez bien. Isabelle Jousse nous propose Chunk Chase. C'est pas mal ? Ah, c'est comique. Pierre Van Meyrag. Yann Yambon. Parce que pour l'instant, il est à l'intérieur. Attention, ouais. Attention. Ouais. Alors, la quick du jour, comment rebaptiseriez-vous les Diables Rouges sous l'ère Martinez ? Bon, ça a bien démarré hier soir, évidemment. Vous répondez sur la page Facebook du 8-9. On corrige ça ensemble lundi. Et je vous invite à aller relire les propositions de prénoms de Petit Panda. Il y avait des tout, tout bons trucs hier. Allez relire ça pendant le week-end. C'est sympathique. Bon, alors, fêtons l'anniversaire de Charleroi. Il est 8h53, car Charleroi n'a que des noms célèbres. Il y a dans les noms célèbres Moji Bayat. Bien sûr. Il y a dans les célèbres à Charleroi Abbas Bayat. Abbas Bayat. le cousin Bayat. Mehdi Bayat. Spirou. Spirou est un Carolo célèbre. Spirou Popol. Bayat. Qui ? Popol. Popol. Vous êtes encore dans vos films du soir. C'est qui Popol ? Le bourgmestre. Vous appelez le bourgmestre. Ah, vous appelez. Ah, oui, mais vous êtes d'une condescendance. Hein. Non, elle est en couple, visiblement. Ah, en couple avec Popol. Popol. Enfin. Non, mais ça vient de Viva for Life. C'est comme ça qu'on l'appelait lors de Viva for Life l'année dernière. Mais bonjour, monsieur Popol. Très bien. Et vous savez que Popol dirige la région wallonne aussi. Ah, joli. Il y a qui de célèbre à Charleroi, Pascal ? William Dunker. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui pour le 350e anniversaire, mais ça fait des mois qu'on célèbre cet anniversaire. Ah oui, ça fait des mois qu'on célèbre, puisque il y a déjà eu une bière pour les 350 ans de Charleroi, il y a eu des pralines, il y a eu des ouvrages historiques qui sont sortis, etc. Donc, ça fait vraiment quelques mois qu'on prépare ce grand anniversaire, mais le vrai week-end, celui où il y a toutes les festivités, tous les cortèges, tous les concerts, c'est ce week-end, ça commence aujourd'hui. Ouais, c'est un moment important. Je fais juste une parenthèse parce qu'on attend beaucoup de ce conseil d'entreprise à Caterpillar, et donc on a un vrai clin d'œil et une vraie pensée pour les Carolos ce matin. Courage. En attendant le verdict. La dernière fois que vous avez joué à Charleroi, Jean-Luc, c'était quand vous ? Écoute, à Charleroi, je pense que c'était au Palais des Beaux-Arts. Ah, au Palais des Beaux-Arts ? Oui, oui. Ouais, classe. À l'époque où on faisait encore des Beaux-Arts, hein, maintenant, non, mais à l'extérieur. Hein. Ils ont encore du concert au Palais des Beaux-Arts. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui à Charleroi ? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus historique, donc ça veut dire qu'à partir de 13h et jusque dimanche, vous allez pouvoir découvrir des bivouacs avec des reconstituteurs pour nous replonger dans l'ambiance de l'époque. Ça se passe au Parc Reine Astrid, à l'avenue du Général Michel et à la caserne de Trésigny. Et la journée poursuivra et se terminera même. Ce sera Place de la Digue dès 18h avec des concerts. Alors aujourd'hui c'est plus jeune, donc c'est Henri et PFR par exemple, et deux magiciennes. Alors deux magiciennes, c'est ceci. C'est moins comme Barbara, mais on peut y trouver une filiation. Il est plus connu qu'Henri PFR parce que sur l'affiche, c'est écrit en plus grand. Ouais, ça, alors qu'Henri PFR, ce jeune DJ Cartney, il est venu la semaine dernière dans le 8-9, si ma mémoire est bonne. Alors samedi, comme ça on fait le programme tout le week-end, ça se poursuit avec le Carolo Retrocars. Oui, vous avez compris, on va parler de voitures, d'automobiles, avec un rendez-vous à 9h30 du côté du circuit de Mété, parce qu'il y aura un passage au circuit de Mété, avec une balade auto-moto avec des ancêtres d'avant 1986. Ce qui se passera aussi, c'est qu'à 11h30, vous avez rendez-vous pour les noces de diamants des géants. Vous savez, c'est important, les géants dans l'histoire d'une ville. Ouais. Les géants de Charleroi s'appellent Jean et Jen. Ils seront donc sur la place pour fêter leur noces de diamants. Et Popol, ça va Popol ? Viens pas Popol ? T'as pas un géant de Popol ? Popol sera là parce que Popol fera un discours après. Vous vous souvenez de la chanson, hein ? Viens Popol, viens Popol. Ah, voilà, viens, ouais. Et il y aura aussi plein d'autres géants des différentes grandes villes wallonnes. Et puis ça se poursuivra avec un grand cortège dans toutes les rues de la ville. Le grand cortège qui commencera aux alentours tout début d'après-midi, aux alentours de 15h. Ouais, et puis alors ça se termine dimanche. Ouais. Et j'ai oublié de vous dire aussi samedi, c'est super important, parce qu'on parle de concert. Il y aura par exemple Chantal Goya, vous pouvez chanter ça. Ah, oui. J'attends. Parce que vous parliez danser. Le lapin. Voilà, non. Oh, dis, ça c'est bien. texte. Je sais plus, il y a quelqu'un dans Chantal Goya ou dans Le Lapin? Alors, je sais plus lequel est animé. Mais il était debout. Oui. Un jour, il y a eu quelqu'un dans Chantal Goya, mais donc elle sera en concert. C'est ce que je dis, il était debout. On a tiré de 16h les concerts. Et il y aura aussi Suarez dans un autre style. Et en plus, c'est pas vrai parce qu'il est resté longtemps. Oui, c'est un vrai. Jour, il y a eu. Non, il est resté longtemps quand même. Oui, oui, jour. Oui. Il y a eu Papa Mimpat aussi. Papa Mimpat. Pas dans Chantal Goya. Non, Papa Mimpat. Je pense. Et elle a chanté Papa Mimpat. Mais quand elle dit son ami le pélican, on a compris tout de suite, excusez-moi. Enfin. Et la bécassine alors? Aussi. Quel bazar. Ah oui, mais on l'appelait la goulue, bécassine, pas Chantal Goya, ça n'a pas permis. Et puis alors dimanche? Ouais, bah dimanche, 10h, commémoration de la libération de Charleroi, ça se passera à la caserne de Trésigny. Et il y a un concert aussi à 11h avec l'ensemble Robert Tourneur. Et ce qui est super important, si vous êtes carolo, si vous aimez chanter, il y a un rassemblement à 13h, boulevard Jacques Bertrand, où tous les carolos et tous les sympathisants de Charleroi peuvent se retrouver pour chanter ensemble Pays de Charleroi. Oh là là. Et donc là, ce sera la plus grande chorale du monde, à mon avis. Ce sera donc aux alentours de 13h, boulevard Jacques Bertrand. N'empêche, c'est génial comme ça, tous ensemble de chanter la même chanson. Ah bah, c'est génial. Jean-Luc, donnez le la que tous ces gens chantent. Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère. Quelque chose comme ça. Bah, c'est pas c'est toi que je préfère? Autrement, il y a un soirée et des Canada. Canada d'Albus. C'est moins connu. Oui, on l'a un peu perdu au passage. Mais ça mériterait d'être plus connu. Pourquoi cette version-là? J'aime ce moment dans les yeux de Jean-Luc où il se dit, c'est très très rare, j'aurais pas dû. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois. Il est génie lui-même. Que le mec il rougit. Oui, j'aurais dû annuler, dire que j'étais malade. Je vais le mettre dans une chanson, je pourrais le mettre en valeur. Si avec ça, vous remplissez pas le Palais des Beaux-Arts à Charleroi, je connais plus le marché. Bon alors, comment on fait pour avoir des infos sur Charleroi? Ah oui, parce que le programme est super complet, donc charleroi.be/350, c'est là que vous retrouvez toutes les infos. Et tout est évidemment gratuit, donc allez faire un petit tour à Charleroi ce week-end. Vous nous rappelez où ça se trouve en Wallonie? Alors, ça c'est se passe. Le centre j'allais, oui, presque. Oui, dans le centre. C'est pas un zèbre dans Chantal Goya aussi. Enfin, je veux dire, dans le spectacle, je veux dire. Il y a vraiment que nous qui n'avons pas été. Mais ça suffit. Riffi-filoulou. Aussi. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ce n'est pas grave, la petite minute de la blague idiote. Comment est-ce qu'on appelle un lapin sourd? Lapin! Ben oui, il est sourd. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 2 250 000 euros à gagner. Bon, ça ne vaut pas mes blagues idiotes, hein, mais enfin, c'est quand même une belle somme. Hein. Merci, loto. J'adore le soleil, j'adore comme il nous invite à profiter du jardin. Et j'adore surtout comment mes châssis Bellisol gardent bien dehors le bruit infernal de la tondeuse. Bellisol. Vous serez gentil, Denis, de ne pas répéter à Chantal Goya tout ce qu'on a dit, hein, Motus. Chut. Si vous voulez bien. Il se fait une fête carolo. La la la dans le bus. Je l'ai retrouvé, ça existe. Non, non, il avait. Je suis avec Jean-Luc. Solidarité con Jean-Luc. Pour moi, il n'y en a que trois au monde. C'est Denis Collard, Jean-Luc Fonck et Robert Lafritte. Les carolos comprendront. Bon. Exactement. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Une journée calme avec des nuages d'altitude sur l'ouest du pays. Des éclaircies dans la plupart des régions. On a aujourd'hui la perspective de 25 degrés sur le sud-est du pays. 22 à 23 dans le centre, 22 sur les hauteurs, 19 au littoral. Demain sera encore une belle journée avec certes pas mal de nuages, mais un temps sec et même peut-être un degré de plus qu'aujourd'hui. Par contre, la pluie arrive dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche matin, il pleut assez bien. Dimanche après-midi, on parlera d'averses et d'éclaircies, 17 à 21 degrés. Mais je vous rassure, dès mardi, on reviendra un temps sec et à nouveau plus doux. Vous écoutez Viva, il est 9h.